Et c'est incroyable tout ce qui se passe à la table de Sofanzine tous les jours à partir de 13h30. Et tout ça, c'est grâce à leur photocopieuse, il me semble. Mais, oh là là là là, je vois où tu veux en venir, Antoine. Tout à fait, c'est grâce à leur photocopieuse qui font, enfin, depuis le début, qui font partie des installations sonores du festival, mais qui ne sont pas indiquées. Voilà, ça fait partie des secrets du festival. L'installation sonore de la photocopieuse que Antoine a été déniché lui-même grâce à de multiples micros. On vous laisse apprécier ce doux fumé. Waouh! Ouh, on s'est laissé surprendre là, ça nous a complètement pris cette photocopieuse. Merci Antoine d'avoir fait ça. Hop. Dis quelque chose, il y a un blanc. voilà, très bien. Non, on est juste un tout petit peu perturbé parce qu'en fait, on aurait dû recevoir ici Victoria Chen, Evic Chen et tout à coup, on a l'impression qu'elle n'a juste pas trouvé l'endroit parce qu'en plus on l'a vu passer et on n'arrive pas à la rattraper. Donc voilà, on espère qu'elle va quand même arriver à un moment donné et qu'on va réussir à lui poser quelques questions parce que ça serait vraiment magnifique.